Au Canada, le débat entre partisans et opposants de la chasse aux phoques défraie couramment l'actualité. Les organismes de protection des animaux ont récemment pu compter sur un soutien de taille. Le 5 mai dernier, le Parlement européen a adopté une directive pour interdire l'importation des produits dérivés du phoque. La décision européenne affecte surtout le Canada, qui représente le principal chasseur de phoques. Alain Erskovinci est le directeur du Conseil canadien de la fourrure. Cette décision européenne est purement politique. C'est parce que le Parlement européen y va aux élections. C'est facile de dire regarde, on a fait quelque chose bien pour l'environnement, bien pour la nature, surtout parce que les chasseurs de phoques canadiens ne votent pas dans les élections européennes, parce qu'ils sont trop faibles politiquement. Ah, eux autres, là, c'est pas grave. Puis on attaque le gagne-pain des milliers de gens. Chaque année, ce sont près de 300 000 phoques qui sont abattus selon les quotas et les procédures fixées par l'État canadien. La chasse aux phoques génère 9 millions d'euros de revenus qui sont essentiels pour les populations qui vivent dans le nord du Canada. Cependant, les organismes de protection des animaux dénoncent les abus qui ont lieu de façon régulière lors de la période de chasse. Rebecca Alworth est la directrice de l'ONG Human Society. La chasse commerciale de phoques n'a pas lieu dans un environnement contrôlé avec un abattoir ou un laboratoire. Elle se déroule au contraire loin des côtes, dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, là où la banquise est instable. Beaucoup de personnes perdent la vie. L'an dernier, 4 chasseurs sont morts. Il y a presque toujours des blessés. C'est très risqué. C'est pour ça que les chasseurs ne peuvent pas appliquer les procédures d'abattage. La décision européenne jette un sérieux froid dans les relations entre Ottawa et Bruxelles. Le lendemain du vote européen, le Parlement canadien a adopté à son tour une motion pour que leurs athlètes arborent des peaux de phoque lors des prochains Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Le Canada entend également porter plainte contre l'Union européenne devant l'OMC. Malgré ces pressions, le Conseil de l'Europe devrait entériner la décision du Parlement européen au mois de juin. Montréal, Damien Bertrand pour France Info.